Le rassemblement consacré au 40e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, Thèse sur l'enseignement socialiste, a eu lieu le 4 courant au Palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres du domaine de l'enseignement et du secteur intéressé, les enseignants et chercheurs des universités et des écoles de tous les échelons de la ville de Pyongyang, ainsi que les enseignants qui se sont installés volontiers dans les écoles annexes aux îles et dans les écoles de la zone de la première ligne du front et des régions montagneuses. Le rapporteur a dit que la publication de l'œuvre classique « Thèse sur l'enseignement socialiste » par le président Kim Il-sung le 5 septembre de l'an 66 du Tutsé 1977 est un événement historique qui a marqué un nouveau jalon pour développer considérablement l'enseignement socialiste sous la bannière des idées du Tutsé. Il a ajouté que le général Kim Jong-il a conduit lucidement la lutte pour mettre en évidence la supériorité et la vitalité du système de l'enseignement socialiste, bien qu'il soit très occupé pour sa direction de la révolution de Sun Gun. Il a souligné que le dirigeant suprême Kim Jong-un, qui fait briller les idées et les espoirs des grands leaders pour l'édification de la puissance de l'enseignement, fait des affaires pour les générations montantes, les affaires les plus importantes du parti et de l'État, et ouvre un nouvel âge d'or de développement de l'enseignement tutsé.